Let's go. Are you ready? Bonsoir, vous avez rendez-vous avec Rai Suprême, avec DJ Case qui est là. Comment ça va, Case? Très très bien. On se dimanche soir. Bah oui, mais je suis pas venu tout seul. J'ai l'impression que tu n'es pas venu, tu es venu avec une sacrée équipe. Ah ouais, une sacrée équipe, ouais. Donc on a ramené deux comédiens, Farid et Oussama, qui font du bruit sur la toile. Ouais. Et on les a invités à cette occasion, pas spécialement pour la comédie, mais parce qu'ils ont aussi fait une musique la semaine dernière, qui s'appelle Athos, donc c'est leur cri de guerre. Et c'est Farid Oussama avec Ayman Serrani. Et ça a cartonné, c'était numéro 1 sur iTunes. Comment ça va, messieurs? Ça va très, ça très va bien, merci. Fred. En pleine forme? Tranquille, hein. Farid et Oussama. Alors, petit CV express, j'ai envie de vous demander. Petit parcours avant de vous retrouver sur la toile, c'est quoi, bande de potes à l'origine? Ouais, c'était quand on était des potes. Ouais, en fait, on a commencé. Non, maintenant, on est bien plus. On a commencé les vidéos en même temps. La première vidéo, on l'a faite en même temps, en fait. Et ça, c'est parti de là. Ouais. Donc, c'est quoi? C'est le quotidien? C'est les vidéos? Qu'est-ce qui vous inspire? Le quotidien, ouais. Ouais, c'est voilà. Le quotidien, exactement. Le quotidien. On peut aller cliquer où alors si on veut vous suivre? Sur mon compte Facebook, Oussama El Fatmi, et sur le compte à Farid. Farid Ben Salah. Et moi, j'ai pu un peu m'intéresser à leurs vidéos et j'ai l'humour très difficile et j'ai très bien rigolé. Bon, bah, on ira cliquer, puis je crois qu'ils sont venus avec une petite surprise qu'on aura là d'ici une trentaine de minutes. On pourra découvrir ça tout à l'heure. Et là, on est parti. Coup d'envoi de Rai Suprême, DJ Case. Mais oui. Allez, c'est parti, première session. Ah, Farid et Oussama. Ayman. Just on record. Ouais, yeah, yeah, c'est la fiesta. Ouais, yeah, yeah. sale blédard. Casse-toi la barre. Je vais pas t'avoir de la sable. Suprême en direct sur Skyrock. Laisse-moi kicker ça, one shot. Que les groupies s'échangent en geisha. Insulter la mère des gens gratuits, ça paye pas. Qu'on fasse des flics, qu'on fasse des concerts jusqu'aux Pays-Bas. Pays-Bas à Guadalajara. Pays-Bas à Guadalajara. Pays-Bas à Guadalajara. Pays-Bas à Guadalajara. So good, what you baby. Tu veux des 160 à 400 à porte-moi. Laisse-moi comprendre, je rappelle si t'es nul à l'époque, man. T'auras tout le temps de m'analyser. Je quitte pas la capitale, tout comme Mona Lisa. Afrique, rendez-vous au White Dream. Si je suis pas là, c'est que je suis au White Beat. Aujourd'hui, tout le monde nous baratine. Mais tous les types parlent en Watine. Ah, what you baby, DJ Corp. Ah, one, two, three, c'est pour toi ma chérie. Pour tous mes sacs Tunisie, ma mort Algérie. One, two, three, c'est pour toi ma chérie. Pour toute la France Tunisie, ma mort Algérie. Ça va vite, ça va vite. Reste attentif, tiens à Paris, ça va vite. Sois sur le beat, car très souvent ici les débuts ça varie. Ça va vite, reste attentif, tiens à Paris, ça va vite. C'est Rail Suprême Skyrock. On va souffrir, mais ma soeur, le monde est à nous. Je serai là pour te soutenir quand tu te sentiras seul sur ta route. Je les vois nos ennemis, ne peuvent rien à part parler sur nous. On les a endurcis, promenades et numéros d'écrou. Moi j'ai jamais changé, je vois des frères devenir parano. Les choses vont s'arranger, de boulot en petit boulot. La galère m'inspire, je viens de là où les rêves tombent à l'eau. Moi j'ai pas fait Saint-Cyr, tous les soirs je regarde là-haut, là-haut. Ma soeur est souffrie, viens de Napolitano. Le cas à l'égari, khalli l'adiyani goulou. L'hadouni l'dari, khouyani l'gashi malou. Dunia qawatri, dilli l'adiyani banou. Babene, ya khouti babene. Babene, babene. Babene, ashab l'hadara khatrine. Je voulais faire des thunes. Le dernier de la classe sera premier sur iTunes. Un pied dans le showbiz et puis l'autre sur le bitume. Écrire avec le cœur et laisser quelques plumes. J'ai de la famille dans le sud, j'ai de la famille dans le riff. Qui peut me stopper, pas leur vin de long riff. Tu t'es en bourgeoisie, Roya, pourquoi tu te plains. Moi j'ai pas retourné ma veste, Philippe plein. Babene, babene, babene, babene, babene, babene, babene, babene, babene, babene, babene, babene, babene, babene, babene, babene, babene, babene, babene, babene, babene, babene, babene, babene, babene, babene, babene, babene, babene, babene, babene, babene, babene, babene, babene, babene, babene, babene, babene, babene, babene, babene, babene, babene, babene, babene, babene, babene, bab bande. Dans la poche le grand arrêt. Poursuis d'entamer, ça coupe sur la bande d'arrêt. J'suis nouné, j'ai du mal à dire mi amor. Tout dans le game, j'arrive vis dans la mort. Ici c'est le 13, poteau, j'arrive qu'à tous les gantés. Dans le rap, y'a trop de victimes qui jouent les brigantés. Chicha, papicha, allume le bon char. Un peu de weed dans un gros cas. Que du V12, que du gros char. On veut du gros cash, la tête camouflée. Sous une écharpe, sur le boulevard. En marche arrière, en gros BM. Au-dessus des lois, au-dessus du game. On passe et parle pour moi. La sphère du compris sur les mains, j'viens préparer une courroie. Baby, habibi, j'ai les idées en place, parfois je dérape pour changement d'humeur. Dans mes attitudes, j'suis sur les nerfs, c'est dans mes habitudes. J'irai bien faire un tour dans la ville, me changer les idées. J'entends cette petite voix dans ma tête qui me dit enfin et toi. J'suis perturbée, j'm'évade dans mes pensées, j'suis trop préoccupée, j'suis comme ça. Écoute le son si tu t'en concerné. Écoute ce refrain si ça peut t'apaiser. Écoute le son si tu t'en concerné. Écoute ce refrain si ça peut t'apaiser. Yeah, Lily, yeah, Lily, j'me concentre dans tes bras. C'est la nuit qu'il faut que je m'évade. Y'a quelque chose de mort. Je fais des concerts au Heps, les frérots préparent la chauffe, des gamelles terre, top chef, big frappe de 30 mètres comme Yaya Touré. J'arrive toujours à l'heure où les gens sont bourrés, vitres et lunettes fumées. Au feu rouge, je donne toujours une petite pièce sur une plage, pas l'Espagne, je fais la sieste. On fracture les portes, on parle en code. Parlons euro, parlons business, parlons tout. J'ai déjà vu le talent, je fais dans ou sans palgala. J'suis perdu, j'suis en décalage, j'finis riche dans un palace. Room gadoule, dans le sang, tes genoux nés. Comme ce mec qui rote, sans cagoule pour fumer. Olé, man, j'suis avec ma team, c'est pas nage. J'vis, j'vois, j'ai mal pour oublier, j'fume le crack. J'ai capé, ça te rate, pas la tête, même côté. Si tu veux dire une place, mais c'est pas pour les côtés. Baby, habibi, j'ai les idées en place. Parfois, je le dirai à pour tout le monde du neuf. Dans mes attitudes, j'suis sur les nerfs, c'est dans mes habits. Tu dirais bien faire un tour dans la ville, me changer les idées. J'entends cette petite voix dans ma tête qui me dit enfin et toi. J'suis perturbée, j'm'évade dans mes pensées, j'suis trop préoccupée, j'suis comme ça. Une envie de faire un meuf, faire un meuf, faire un meuf, faire un meuf, faire un meuf. Soir, minuit, une heure, c'est Rail Suprême en direct sur Skyrock. C'est Skyrock et dimanche soir, c'est Rail Suprême avec DJ Case et Farid et Oussama qui sont là avec nous ce soir. Donc Farid et Oussama, tu as repéré comment, Case? Moi j'ai repéré, alors figure-toi qu'ils ont signé dans le label dans lequel je suis, qui s'appelle Juston Records. Donc gros big up à Juste, Tony et Willy. Voilà, donc ils les ont repérés, c'est les producteurs qui m'en ont parlé. Et puis justement, ensuite je les ai vus, ils sont super sympas, jeunes, dynamiques, avec un humour débordant. Et bon, on va pouvoir en avoir un extrait, messieurs, non, maintenant? Apple. Allez, Oussama Atoz. Non, moi, franchement, j'ai juste un conseil à vous donner, c'est ne jamais tomber au Maroc. Ça, c'est l'erreur à ne pas faire. Tu tombes au Maroc, je sais pas, si tu tombes, arrache tes jambes, enlève le sol, il plonge, ce que tu veux, mais tombe pas au Maroc. Moi, une fois, je tombe au Maroc, j'ai fait l'erreur de tomber, j'aurais dû me relever. Je suis tombé, je suis arrivé à l'hôpital, 15 points de suture sans anesthésie, 15 points de suture. Ils ont pu retrouver, plus jamais ils ont retrouvé mes groupes sanguins, mes veines, ils ont disparu depuis. Très longtemps, hein. Jamais ta vie tu tombes au Maroc, ou en Algérie ou autre. Mais moi, franchement, j'aime bien le Maroc parce que c'est, voilà, tout le monde rigole. Tu dis bonjour, tu élèves la main. Tu dis au revoir, tu élèves la main. Tu gifles ton fils, tu élèves la main. Mais tu vois, toujours le poing levé, il est pas content, il lève la main, il s'embrouille, il lève la main. Toujours, tu vois. Mais il y a un truc spécial aussi au bled, c'est la drague. Je sais pas si tu connais la drague du bled, mais la drague du bled, c'est, la drague du bled, la meuf, elle passe, pss, pss. Ouais, tu dragues avec des bruits. T'as vu ça où, toi? Mais franchement, le spécimen, moi, pour moi, du bled, c'est les bruitages, tu vois. C'est par exemple, en Amérique, c'est stylé quand ils tombent, ils font ouch. En France, quand ils tombent, oui. Au Maroc, eh, habarjli, aïe, aïe, aïe, mon pied. Il appelle toute sa famille, sa grand-mère, l'arrière-grand-mère à sa grand-mère, les tombe. Oh, elle fait un mariage oriental parce qu'il s'est blessé le genou. Non, c'est trop. Mais sinon, moi, j'ai une chose à dire à toutes ces personnes. Atoz. Farideh Oussama Atoz. À l'instant. Ils sont avec nous ce soir, avec DJ Kayz au contrôle. Alors, c'est quoi, messieurs, l'avenir pour vous? Qu'est-ce qu'il y a? Il est radieux? Il est Atoz? Il est où l'avenir? Bah, il est dans la comédie, dans tout ce qu'on aime faire. Donc, c'est quoi les prochaines vidéos qu'on va pouvoir mater? C'est là, dans la semaine? C'est à quel rythme? Vous les balancez à quel rythme? Tous les soirs. Tous les soirs? Tous les soirs. Putain, les mecs sont productifs. Hein. Ah, ils font des vidéos voilà, au quotidien. Ils sont vachement naturels sur leurs vidéos et c'est ce qui plaît justement aux internautes et au public. Retenez leur nom, Farideh et Oussama. C'est ça. Ils sont venus avec DJ Kayz ce soir. Atoz. Atoz. Voilà. Et bah nous, on est reparti pour une nouvelle session. Kayz, on est reparti. Ah, ouais. T'as pas donné les dates. Ah, non, important parce que vous savez que messieurs Kayz se balade dans toute la France, même parfois à l'étranger. Alors je vais aller assez rapidement. Alors ce week-end-là, je suis à Paris. Je suis le vendredi 27 à la Porte d'Orléans, c'est au Select. Le samedi 28, c'est au Bim Kim à Ivry-sur-Seine. Juste après, je vais à la Maison Rouge dans le 77. Voilà. Avant de t'étouffer, de mourir. le dimanche 1er, on va aller voir notre ami Ali, c'est au Velvet, donc rue de Crimée dans le 19e. Vendredi 6 mars, je suis à Clermont-Ferrand, à l'usine, discothèque. Et le samedi 7 mars, ça se passe à Toulouse, à l'Entracte. Voilà. Très bien. Des soirées prévues, Farideh Oussama, non? Il y a une petite soirée entre vous? On va les inviter. On va les inviter. maison chips and bacon. Ouais. Voilà, c'est tout. C'est tout. Posé à la maison, calme. Avec le son de Rise Supreme, on est reparti donc pour une nouvelle session maintenant. DJ Kayz. Allez. C'est parti sur Skyrock. Y'a quelque chose de mauvais qui contrôle mon esprit. Mon cœur s'est endurci comme si j'étais zone. Minuit une heure, c'est Rise Supreme, mixé par DJ Kayz sur Skyrock. Yeah.

demoiselle. Donne le numéro. Non mais attends, quoi. Tu crois que je vais te passer mon numéro, sale blédard. Mais allez, casse-toi la barbe. Attends. C'est vrai, t'attires la foule. Mais fais pas trop la folle. T'es vraiment déréglé. J'dois te paramétrer. Tu veux m'en rendre jaloux. Mais fais pas trop la folle. चर्चा हो रही है आप कहाँ से है आपका जवाब नहीं तो रही चर्चा हो रही है आप कहाँ से है आपका जवाब नहीं t'attires la foule, mais fais pas trop la folle. T'es vraiment déréglé, j'dois te paramétrer. Tu veux m'en rendre jaloux, mais fais pas trop la folle. C'est par DJ K sur Skyrock. Cherche une excuse, qui veut chercher un moyen. La haine ouvre les yeux, mais avec l'amour, je vois rien.

c'est DJ Case, DJ Case. Çatlat

تو بودی اسم تو هست ستاره بیا پیشم دوباره اون موهای مشکیت منو کش چشمای زیبا منو کش بیا بیا پیش من دوباره یلا بگو آره ستاره آیا بوسوخ تلمان تلمان گرد آیا فکرونتون گرد توانه گرد خاطر تلمان الحب يديروها والليل يربلوها راهي انا موت في خاطر تلمان ايا قع قع قع قع قع قع تلمان الحب يديروها والليل يربلوها راهي انا موت في خاطر تلمان Yeah. parce que j'ai encore vu. Je cherche encore mon bonheur pour cicatriser mes douleurs. J'en vois de toutes les couleurs. Je reste en guerre, j'ai encore une dent contre l'État. Aujourd'hui, je trop les nerfs, donc s'il vous plaît, rigolez pas. Tu veux mon cœur, mais on s'est vu de fois, on se connaît pas. DJ Case. C'est Rail Suprême le dimanche soir et c'est avec DJ Case. Et ce soir, Farid et Oussama qui étaient là avec c'est nous. C'est ça, donc c'était Mix and Comedy. Mix and Comedy, c'était un petit peu en effet, c'était. C'était Skyrock et Rire. On a pu découvrir les toseries de. Les toseries. De Farid et Oussama. Donc allez cliquer, allez mater leurs vidéos, messieurs. On peut vous retrouver sur le net, Farid et Oussama. Petit dernier message, petite dédicace à passer, des amis, non, des proches. N'hésitez pas. Non, je fais des dédicaces à copines, personne. À vos copines. Hein, ils ils, dédicaces moi, j'ai envie de leur poser une question. Ouais. J'ai envie de leur poser. Est-ce qu'ils ont une nana ou pas? Chacun là. Ah, moi, okay, ils étaient... parce que moi, j'en ai des vidéos en fait, sur les nanas. Sur... Ah. J'en ai une, mais je la connais pas encore. Elle me connaît pas non plus. j'en ai pas. Moi, j'en ai pas. J'ai pas une tête à en avoir. Voilà, deux beaux mecs célibataires, les filles. Oui, on voilà, ils sont célibataires. Et ils sont. On peut les retrouver sur Facebook, sur Twitter, Instagram. Oussama El Fatmi, c'est ça. Oussama El Fatmi. Et Farid Ben Salah. Voilà. Farid. Voilà. Bensalah. C'est ça, voilà. Sont faciles à retrouver. Eh ben merci d'être passé dans Soirée Suprême ce soir, messieurs. Merci à toi, Fred. Bonne et longue vie à vous voilà, dans la comédie. Continuez à vous faire délirer, ça fait du bien en ce moment, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Et Case, avant de se quitter, on te rappelle que toi aussi, tu es sur les réseaux sociaux. Tu fais des gags parfois, voilà. Des sketchs. Ouais, c'est ça. Moi je suis sur Facebook, Instagram et Twitter, DJ Case, K-Y-Z, et sur Instagram et Twitter, DJ Case Paris. Voilà. Merci à vous, passez une bonne soirée. Merci Farid, merci Case. Merci. Rencard la semaine prochaine pour un nouveau Rail Suprême. Ciao.